cet après-midi à Assemblage Requis. À l'approche de la Saint-Valentin, Simon Fidubé nous parle d'une belle histoire d'amour, celle de Courtney Love et de Kurt Cobain dans sa chronique Paul is Dead. Et après nous avoir agacés pendant des semaines, les incorrigibles nous annoncent enfin leur grande nouvelle. En tout cas, c'est mieux d'être bon. Soyez là dès 15h.